faire ta drogue. Quel morceau Putain, on peut faire un truc simple comme cela par exemple, c'est en 40 BPI. Je cherche la partition. Elle est bien, laisse celle-là, elle est bien celle-là. Ah, celle-là, elle est trop lourde. coup, mon Christophe, alors qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ouais, tu viens boire un coup? Ouais, passe vite fait, ouais. À tout à l'heure. Excuse-moi. Hein. Bon, allez, on va faire cela. On dirait qu'il y a 12 mesures quand même. Hein. Ouais, il y a 12 mesures, donc c'est 48. Jamais sur quelle note faut commencer. C'est 48, t'es sûr? Moi je vois bien 12 mesures aussi. Tu partes un peu moins vite. Mm-hmm. Bye bye, à plus tard.